Chapitre 6. Jésus quitta cet endroit et alla dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreuses personnes qui l'entendirent furent très étonnées. Elles disaient, « D'où a-t-il tout cela? Qu'est-ce que cette sagesse qu'il a reçue et ces miracles qu'il accomplit? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est respecté partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. » Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Ensuite, Jésus alla enseigner dans tous les villages des environs. Il appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de commander aux esprits mauvais et leur donna cet ordre « Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais ne portez pas deux tuniques. » Il leur dit encore « Quand vous arriverez dans une ville, restez dans la maison où l'on vous invitera jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. » Les disciples s'en allèrent donc prêcher aux hommes qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient beaucoup de malades en les oignant d'huile. Cependant, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation s'était répandue partout. Certaines personnes disaient, « Jean-Baptiste est revenu à la vie. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Mais d'autres disaient, « C'est Élie. » D'autres encore disaient, « C'est un prophète, pareil à l'un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entendit cela, il dit, « C'est Jean-Baptiste. Je l'ai fait décapiter, mais il est revenu à la vie. » En effet, Hérode lui-même avait ordonné d'arrêter Jean, il l'avait fait lier et mettre en prison. Hérode agit ainsi à cause d'Hérodiade, qu'il avait épousée, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Or, Jean avait dit à Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade était furieuse contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas à cause d'Hérode. Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme bon et saint, et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé. Pourtant, il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade le jour de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci donna alors un banquet aux gens haut placés de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux personnages importants de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Je jure de te donner ce que tu demanderas, même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sortit donc et dit à sa mère, « Que dois-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui refuser à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat partit, alla dans la prison et coupa la tête de Jean. Puis il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Les gens qui arrivaient et s'en allaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit: Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Ils accoururent alors de toutes les villes et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens, parce qu'ils ressemblaient à des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme il était déjà tard, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent: Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs s'acheter de la nourriture. Jésus leur répondit: Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui demandèrent: Voudrais-tu que nous allions acheter du pain pour une valeur de 200 pièces d'argent afin de leur donner à manger? Alors Jésus leur dit: Combien avez-vous de pain? Allez voir. Quand ils se furent renseignés, ils lui dirent: Nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. Ensuite, Jésus ordonna à ses disciples de faire asseoir tous les gens par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang de 100 et en rang de 50. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poisson qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains était au nombre de 5 000 hommes. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après s'être séparé d'eux, il s'en alla sur une colline pour prier. Quand la nuit vint, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer, parce que le vent soufflait contre eux. Alors, à un moment situé entre 3 et 6 heures du matin environ, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau, et il allait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris, car tous le voyaient et étaient bouleversés par la peur. Mais aussitôt il leur parla. « Prenez courage, leur dit-il. C'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux, et le vent cessa. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth, où ils attachèrent leur barque au rivage. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus. Ils coururent alors dans toute la région et se mirent à lui apporter les malades sur leurs nattes, partout où ils entendaient dire qu'il était. Et partout où Jésus allait, dans les villages, les villes ou les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places publiques et le priaient de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient